La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Salut, salut! Vous êtes sur le magazine Libertaire, une émission que vous pouvez écouter tous les jeudis sur Alternante à partir de 20h40. Et Alternante, vous pouvez l'écouter sur le 98.1 à Nantes et le 91 à Saint-Nazaire. Pendant l'émission. Et sur Internet. Et sur Internet, oui, exactement, sur alternante.net. Pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au 02 40 93 26 62. Et vous pouvez nous envoyer des mails, alors pas pendant l'émission parce qu'on les lit pas, mais sinon vous pouvez aussi nous envoyer des mails à maglib@boum.org. Et vous pouvez aussi écouter tous nos podcasts sur maglib.boum.org. Aujourd'hui, on est le 4 mai et aujourd'hui, on va vous passer un son qui parle de la situation au Portugal et au Brésil, la situation sociale et aussi les luttes. On va vous passer un deuxième son autour du 1er mai à Nantes. On va parler de répression policière et de flics blessés. Et on va commencer par donc le son qui parle du Brésil et du Portugal. Tout à fait. Donc, je vais pas commenter le son parce que Mario dit tout, en fait. Par contre, voilà, la personne s'appelle Mario... Elle est portugaise, vit à Lisbonne et participe à un centre social anarchiste par là-bas, voilà. Donc il s'attarde assez peu sur le Portugal, mais s'étend davantage sur le Brésil. Donc on va l'écouter et voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Parce et dans quel cadre ce son J'étais donc à Paris à l'occasion du Salon du Livre Libertaire. Et donc en étant là-bas, j'en ai profité pour donc enregistrer. Il y en avait un sur Cuba que j'ai loupé, bref, ce sera pour une autre fois. Voilà, c'est dans cette occasion-là que j'ai pris du son. Okay. C'était l'occasion. Voilà, bonne écoute. Et ça dure 21 minutes. Okay, bonjour. Eh bien, vous pouvez me questionner quand vous voulez. N'attendez pas jusqu'à la fin, si vous voulez. Excusez-moi, mon français n'est pas déjà si bien comme il y a des années. Eh bien, parler du Portugal et du Brésil, on peut résumer d'une façon très simple. Au Portugal, ça ne se passe rien. Au Brésil, ça se passe tout. Eh bien, pourquoi ça ne se passe rien au Portugal? Eh bien, parce que le gouvernement a changé, tout simplement, et le gouvernement antérieur était un gouvernement de droite, une coalition de deux partis de droite, qui avait la majorité absolue. Et donc, pire que ça, les personnes qui formaient ce gouvernement étaient, elles croyaient vraiment dans le modèle ultralibéral qui c'était la solution. Ils croyaient vraiment que, comme les gens du Nord disent souvent, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, quelques Français, les Grecs ne travaillent pas beaucoup, ils dépensent beaucoup d'argent, etc. Et donc, ils croyaient vraiment à ça. Et toute la politique, c'était une politique encadrée par cette question. Donc, on a eu réduction de salaire, on a eu réduction de fonctionnaires au service public, des investissements dans la santé publique, dans l'éducation publique, changement des lois du travail, tout ce qui permettait de faciliter la vie au capitalisme, au patron, tout ce qui permettait une réduction de la présence de l'État, une réduction des dépenses de l'État dans la société. Et donc, on a eu une austérité profonde, augmentation du chômage d'une façon énorme, une qualité de vie qui est devenue pire et pire, parce que si Bruxelles ou le fameux ministre des Finances allemand disait il faut couper 5, il coupait 7 ou 8 ou 10. Et donc ça, c'était la situation. Soudain, il y a un année et demie, il y a eu des élections. Cette majorité a perdu la majorité. Et pour la première fois dans l'histoire politique du Portugal, tous les partis soi-disant de gauche se sont ralliés, ont fait une alliance parlementaire qui permet à ce moment les partis socialistes de gouverner, un gouvernement du Parti socialiste avec un support parlementaire d'autres partis de gauche, le Parti communiste et le Parti bloc de gauche. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi un président de la République qui a changé. Il y a un premier ministre qui est une personne avec une grande capacité de négociation et qui est bien plus à gauche que, par exemple, Hollande, ou Renzi, etc., ou l'Espagnol qui aussi a perdu. Et donc, nous avons toute une politique qui, bien sûr, pour un anarchiste, n'est pas du tout révolutionnaire et on doit avoir des précautions. Mais pour les personnes, c'est une politique de restitution. Donc, les salaires, peu à peu, reviennent. Il y a un retour des salaires volés aux personnes. Il y a de nouveau un climat de confiance, une augmentation du salaire minime, une baisse des impôts, le chômage qui diminue. Et donc tout ça est devenu de nouveau une sensation de l'austérité. Et comme vous voyez, nous sommes capables de gouverner d'accord avec Bruxelles sans avoir l'austérité que les autres ont imposée. Et donc, tout ça passe à la presse et tout ça donne une sensation aux personnes que tout va bien de nouveau. Et ça ne se passe rien parce que tous les mouvements populaires qui spontanément sont apparus dans la société portugaise, les indignés, le précaire irréductible, Occupy Lisbon, etc., tous ces mouvements ont disparu, pur et simplement. Le Parti communiste qui est vieux mais au niveau éther, mais qui contrôle encore beaucoup de syndicats, n'est pas intéressé à faire des grèves, sauf des grèves chirurgiques, ponctuelles, pour marquer une position ici ou là. Et donc, il n'y a pas de grève. Les mouvements populaires qui ont fait des démonstrations dans les rues avant, avec des milliers de personnes aussi, n'existe pas. Si tu es un précaire dans l'État, et l'État te dit pendant 2 ans, tous les précaires de l'État vont être intégrés dans le système. Donc, le précaire ne va pas à la rue, il n'a pas aucune raison pour aller à la rue, pour eux, bien sûr. Et donc, tout ça fait que la situation est très calme, ça ne se passe rien du tout là-bas, pratiquement. C'est curieux de voir que, par exemple, la seule école qui a fait une démonstration, parce qu'il manque encore des fonctionnaires, pas de professeurs, mais des fonctionnaires aux écoles. Une chose que progressivement le gouvernement est en train de réparer, mais il manque encore beaucoup de fonctionnaires. Mais la seule école qui a fait une démonstration pour protester contre cette manque de fonctionnaires, une démonstration qui a réuni les professeurs, les fonctionnaires, les élèves, les pères des élèves, c'est une école, un lycée artistique qui a une tradition libertaire et qui maintenant a une forte présence libertaire. C'était le seul. Donc, les seules personnes qui continuent à faire des choses là-bas, de contestation, sont le mouvement anarchiste portugais, qui est petit, qui connaît l'histoire du Portugal, sait que Portugal a vécu une très longue période de dictature fasciste, de 1926 jusqu'à 1974, et qui a été ici hier à écouter au sujet de Cuba, l'histoire est exactement la même. Donc l'anarchisme avait, c'était la force dominante entre les ouvriers jusqu'à cette époque. La Confédération Générale du Travail était très forte, anarcho-syndicaliste pur. Il y avait un journal qui était quotidien. C'est extraordinaire d'un pays qui, à l'époque, avait 25% de personnes qui ne savaient pas lire et avec un pouvoir d'achat très bas. Donc, en 1926, ça, c'était la situation. Bien sûr que, pas à pas, l'anarchisme a été oublié. Et c'était le parti communiste, très appuyé par Moscou, qui a remplacé cette lutte antifasciste et qui a resté dans la mémoire des personnes. Malheureusement, au contraire des Espagnols qui ont pu fuir pour la France, et c'était facile, c'est une façon de dire, mais c'était possible de faire la liaison entre la France et l'Espagne, des contacts, etc. Les anarchistes portugais ne pouvaient pas faire ça parce que passer la frontière, c'était aller en Espagne, une autre dictature. L'autre côté, c'est l'océan, donc fuir au Brésil. Qui va au Brésil ne peut pas venir passer le week-end au Portugal pour faire les contacts. Donc, c'était un mouvement qui était complètement isolé et est devenu oublié par les personnes. 1974, un coup militaire a dérobé le fascisme, il y a démocratie bourgeoise, etc. Le mouvement est réapparu avec des personnes, des copains très vieux, parce que ce sont des ceux qui ont réussi à survivre 48 ans, et parmi eux, quelques-uns qui ont même passé des années aux îles de Cap-Vert, dans un camp de concentration, Tarrafal, où Salazar envoyait les prisonniers politiques. Et donc, avec des jeunes comme moi, à l'époque, qui étaient des anarchistes un peu par instinct, ou pour des questions écologiques, et qui savait très peu encore à ce sujet. Et donc, le mouvement à ce moment est un petit mouvement actif des jeunes. Je suis probablement un des plus vieux anarchistes là-bas en activité. Il y a des locales un peu partout, à Porto, à Lisbonne. Le local à Lisbonne, John le connaît, c'est un grand local. Maintenant, nous avons même déjà une librairie qui ouvre dans la rue, donc c'est un local énorme. Et on fait toutes les choses qui pratiquement les autres mouvements le font. Nous avons un salon du livre tous les années à Lisbonne, des démonstrations dans les rues, des occupations, etc. Bien sûr, à une escale mineure. Mais bien, les choses continuent. Au contraire, on passe au Brésil, et au Brésil, la situation, c'est complètement inverse. On a eu tout un processus politique qui se développe là-bas, où la politique, la religion, la corruption est tous liés. Comme vous savez, pendant deux mandats, c'était le président Lula qui vient du Parti des Travailleurs, PT, le Parti des Travailleurs. Mais bien sûr qu'il y a eu des réformes. Le Brésil, c'est une société très, très, très pauvre. Et donc, mais la réforme qu'il a fait, que le PT a fait, c'était des réformes plus dans une base d'assistentialisme que dans une base vraiment révolutionnaire, de grandes réformes. Il a même écrit une lettre, avant d'être élu pour la première fois, une lettre calmant les marchés, calmant les grands investisseurs en disant « Attention, mon élection ne va pas changer beaucoup de choses, je lutte contre la misère, mais pas de problème, etc. etc. » Il dit maintenant qu'il a fait cette lettre seulement pour calmer les investisseurs internationaux, etc. Mais en effet, toute l'action, c'était une action plus dans une façon assistentialiste, donner plus d'argent aux familles plus pauvres pour qu'elles puissent avoir un peu plus de lait, des choses comme ça, donc proprement une réforme agraire, par exemple, ça continue à exister au Brésil. Ce qu'on appelle les coronels, surtout dans les États brésiliens de l'Amazonie, les coronels qui sont des caciques qui contrôlent tout dans cet État, qui ont des fazendas, des grandes farmes, avec une dimension, quelques-unes sont une dimension deux, trois fois le Portugal. Donc tu vois la capacité de manipulation que ces personnes, le contrôle, la domination dans ces États, ces caciques locales ont. Et après, il y a eu tout un processus de corruption qui est très normal dans les pays d'ex-colonisation portugaise. Angola, c'est la même chose. Moçambique, ça continue. Donc, des pays qui alignent des classes politiques corruptes avec des grandes richesses naturelles. Donc, le Brésil est un pays très riche, mais toute la classe politique est une classe politique corrupte. Et pire que ça, il y a maintenant, depuis quelques années, l'émergence d'un nouveau phénomène, c'est le problème des évangélistes, donc les églises non catholiques à peu près. Donc, ils ne sont pas, ces députés évangélistes, ils ne sont pas concentrés dans un seul parti. Ils existent dans tous les partis, même dans le PT, ce qui donne la majorité. Donc, si tu rallies tous les députés qui sont évangélistes, ils sont la majorité. Ça, c'est un phénomène qui est très influencé par les États-Unis. Donc, le Tea Party, la majorité de la minorité du Parti républicain, qui a une très forte présence religieuse et des principes qui tentent pratiquer et imposer à la société. Et donc, ça se passe vraiment le même au Brésil. Donc, toutes ces images qu'on voit du Brésil au carnaval, etc., d'une certaine souplesse de costumes, c'est pas la vérité. La société brésilienne est une société très conservatrice, et une société où les homosexuels ne sont pas bienvenus. Bien sûr, il y a tout un discours de politiquement correct, mais c'est une société où le racisme existe. Bien sûr, si tu es un grand chanteur ou un grand joueur de football, ce problème ne se pose pas. Mais au niveau de la rue, ça se pose énormément et il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu toute une émergence de mouvements qui, soit à cause du prix du transport, soit à cause de la manque d'investissement dans les services de l'éducation, il pousse toujours, il y a toujours des actions, des grosses manifestations au Brésil. Et là-bas, on a la chance de voir un mouvement anarchiste qui monte, qui grandit. Bien sûr qu'il grandit surtout dans les villes un peu du littoral, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Rio Grande, mais maintenant, même au niveau de l'intérieur, même au niveau de ces États amazoniques où la domination est plus forte, il y a aussi des groupes d'anarchistes qui viennent d'apparaître, qui ont ces petits journaux. Dans une condition, c'est bien plus difficile d'être anarchiste au Assaoui, au Paraná, ou quelque chose comme ça, do que être anarchiste au Rio de Janeiro ou à São Paulo. Mais on commence à avoir une présence libertaire aussi dans ces pays. Dans ces derniers mois, on a assisté à tout un mouvement de ce que la bourgeoisie brésilienne, le PT, appelle le coup, que c'était le remplacement de la présidente Dilma, qui a été accusée de corruption et a été remplacée par le Temer, c'est l'actuel président, lui aussi accusé de corruption. Pourtant, les corrupts accusent les corrupts de corruption. C'est la corruption qui domine. Maintenant, est plus important que celle. Donc, ils sont remplacés. Les juges du tribunal. Donc, c'est une confusion totale. Bien sûr que la gauche est venue dans les rues avec un slogan qui a été très connu. Le coup ne passera pas. Le problème, comme a dit un copain brésilien aussi très connu ici, Alexandre Samis, le problème, c'est que ces blancs n'ont pas venu à la rue quand les militaires ont occupé les favelas. Et ça, oui, ça, c'était un coup. Parce qu'il y a eu des grands événements au Brésil, comme le championnat du monde, les Jeux olympiques, et les autorités brésiliennes, les PT, qui étaient au pouvoir à cette époque-là, ont fait toute une politique d'expulsion des personnes qui habitaient aux favelas pour nettoyer les villes, pour sécuriser les villes, et avec l'occupation des favelas pour des unités militaires qu'ils appelaient unités de pacification. C'était vraiment des forces militaires d'occupation, de la marine, de l'armée. Et ça, oui, c'était vraiment un coup d'État, un coup militaire dans une partie du territoire du Brésil qui a été occupée par l'armée. Et ça, la bourgeoisie brésilienne du PT, les Blancs, ne sont pas venus à la rue pour protester contre ce coup. Donc, les anarchistes, là-bas, il y a entre les anarchistes, il y a une forte présence de la vision plateformiste de l'anarchisme. Il y a une fédération de plusieurs organisations plateformistes, que là s'appelle spécifisme. Et ils défendent que ça sera dans les favelas que tout le processus va, les luttes, parce que c'est dans les favelas que sont les exploités au pire degré. Donc, la grande exploitation, la grande domination, c'est dans les favelas qui occurrent. Et donc, les locaux anarchistes, les bibliothèques anarchistes doivent être ouverts dans les favelas, auprès des favelas, pour développer tout un travail de dissémination des idées, de présence anarchiste dans ces luttes qui sont déjà en cours et qui vont encore venir encore plus fort. Donc, il y a toute une situation politiquement qu'on ne sait quelle sera la fin. Jugement politique, probablement Lula sera jugé un tribunal pour des processus de corruption. Dilma, jusqu'à présent, elle n'est pas formellement accusée, mais c'est difficile à croire. La compagnie Petrobras, qui est une des plus puissantes entreprises brésiliennes du pétrole, elle était la présidente pendant longtemps. Donc c'est difficile à croire que la Petrobras a fait de la corruption et elle ne le savait pas. D'autre côté, il y a le président d'une autre grande compagnie brésilienne, Odebrecht, qui est une compagnie de construction, mais aussi d'autres investissements, autres secteurs d'économie qui, ce qu'on dit en portugais, a mis la bouche dans le trombone, donc a commencé à parler tout. Et il dit tout ce qu'il peut dire à la police, etc. Donc il montre toute la corruption au niveau des partis politiques, des campagnes, corruption à l'extérieur, corruption à l'intérieur. Donc on sait où ça va s'arrêter au niveau de la politique. Ce qu'on sait, c'est que l'austérité aussi arrive au Brésil. Ce qu'on a passé en Europe, ce qu'on est en train de passer en Europe, maintenant il arrive au Brésil, qui a vécu une période de grand développement économique, mais maintenant commence à avoir des problèmes très, très, très forts aussi d'austérité, de manque d'investissement et la crise, soi-disant la crise économique arrive là-bas, ce qui provoque ou ira provoquer toute une situation de contestation sociale, etc. Donc c'est un peu ça, d'une forme très résumée, la situation au Portugal et au Brésil. Merci Yann pour cet enregistrement. Merci à la personne qui raconte beaucoup de choses intéressantes, déjà. On va faire une petite pause musicale avant de passer au reste, à la suite. C'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits boulebots. Mais comprenez-moi, la djé là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est parce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y'a des taxis qu'on perd du noir. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé. Je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami?

Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette fois c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais. Jamais. On est de retour sur le magazine Libertaire. Nous non plus, notre identité ne sera jamais nationale. On va vous passer un petit son qui a été pris à la manif du 1er mai à Nantes. Et c'est un son qui nous a été partagé par Radio Cayenne. Et du coup, je vais vite fait présenter Radio Cayenne. Radio Cayenne, c'est une radio web que vous pouvez écouter le lundi et le vendredi de 19h jusqu'à ce que les gens en aient marre. Et voilà, comme c'est une radio web, vous pouvez l'écouter sur Internet, c'est pas en FM. Et on peut l'écouter en ce moment sur mixlr.com/radio-cayenne. C'est une radio sans pub qui a besoin de ses auditeurs et ses auditrices pour... c'est une radio sans pub, ouais. et du coup, voilà. Donc ils ont partagé avec nous ce petit son qu'on va écouter tout de suite. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es présent aujourd'hui à la manif du 1er mai à Nantes ? Alors je suis présent pour signifier que quel que soit le président ou la présidente qui sera élue, eh bien ce sera les luttes qui détermineront la suite. Il faudra descendre dans la rue, il faudra faire grève, il faudra mener plein d'actions de toute façon contre la politique antisociale qui sera menée. D'accord. Toi, à titre personnel, tu es syndiqué ou pas ? Oui, je suis syndiqué, effectivement. Mais je suivrai pas forcément les consignes du syndicat pour le vote du deuxième tour. D'accord. C'est quoi les consignes de ton syndicat pour le vote du deuxième tour ? En fait, je les ai pas trop, je les ai pas lues, mais je suppose que c'est faire barrage au Front National, donc sous-entendu voter Macron. Donc je ne voterai pas Macron, bien entendu, je vote pas non plus Le Pen. D'accord. Tu penses plutôt t'abstenir, du coup ? Alors j'hésite entre l'abstention et le vote blanc, mais je pense que j'irai sans doute voter blanc. D'accord. Tu veux nous expliquer pourquoi ou... Alors, pourquoi je ne vais pas voter Le Pen, bien sûr, parce que c'est le pire ennemi du monde ouvrier, hein, le pire ennemi de ceux qui travaillent. Et j'irai pas voter Macron, parce que de toute façon, la politique qui sera menée sera une politique libérale, une politique qui ira contre les intérêts de tous les ouvriers, de tous les employés, de tous les salariés. D'accord. Salut, est-ce que je peux te demander pourquoi tu es présent à la manif du 1er mai aujourd'hui à Nantes ? Bah parce que depuis 1896, c'est la manif des travailleurs et que chaque année, c'est l'occasion que la lutte des travailleurs soit dans la rue. D'accord. Et qu'est-ce que tu... Toi, tu es dans un syndicat ou dans un parti ou tu es là à ton nom propre ? Alors, je suis en mon nom propre, je suis aussi adhérent d'un syndicat, mais je ne viens pas au nom du syndicat, je viens en tant que travailleur, même si bon, je suis travailleur libéré de l'oppression salariale, mais je reste travailleur comme l'ensemble de ma classe. Tu dis libéré de l'oppression salariale, tu préfères dire ça plutôt que privé d'emploi, comme on entend souvent dans les discours des syndicats ? Je ne suis pas privé d'emploi, je ne souhaite pas l'exploitation. Mon but, c'est... Enfin, un des buts que je partage avec un certain nombre de camarades, c'est la révolution sociale dans laquelle y aurait plus la nécessité d'être exploité pour pouvoir manger. N'ayant pas pu réaliser ça tous ensemble, pour l'instant, je fais par moi-même. Et puis dans le but de partager cet espoir, parce qu'aujourd'hui, le terme d'exploitation s'est transformé en emploi. La pire des calamités est devenue la meilleure des chances, soi-disant. Et puis on voit bien que... dans la réalité, ça reste la pire des calamités. Ok. Est-ce que je peux te demander si tu as voté au premier tour des élections ? Alors, j'ai pas voté au premier tour, j'ai pas voté j'irai pas voter au second. C'est ici que je vote. C'est ici que je participe, que je mets mon activité politique, elle est ici, elle est à montrer que la classe ouvrière, elle est encore dans la rue. J'étais victime du vent. Ah, merci bien. Donne le vent contre moi, voyez. Donc tu étais dans le cortège de l'intersyndical contre l'aéroport. Hein. Ouais, du collectif syndical contre l'aéroport, ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu t'es mis dans ce cortège et pas ailleurs, par exemple ? De toute façon, moi je suis syndiqué à la CNT, du coup la CNT fait partie du collectif, on a organisé ce cortège ensemble, donc ça tombait sous le sens. Je peux parler un petit peu du collectif, du coup ? Si tu veux, collectif vas-y. Qui s'est créé à l'automne 2016, là. Suite à des rencontres entre des habitants de la ZAD, des syndicalistes, notamment de la CGT AGO, et donc rencontres qui se sont faites en juin 2014, notamment sur une tentative d'occupation de l'aéroport pendant le mouvement contre le travail. Mmh. Et de là, des liens se sont créés. En fait, c'est constitué un collectif, donc qui regroupe Sud, des syndicats et syndiqués CGT et la CNT. Et le but, c'est d'apporter une voix syndicale dans la lutte contre l'aéroport, quoi. Et notamment en appuyant à la fois sur le maintien de l'aéroport de Nantes Atlantique, du coup, en soutien aussi aux travailleurs d'AGO, quoi. Et en même temps, qui a une position sur la défense de la ZAD et des activités qui s'y font, quoi. Ok. Et du coup. Là, ça fait combien de temps qu'il s'est créé ce collectif ? Donc, il a dû se créer en octobre 2016, je dirais. Et du coup, on a sorti déjà un peu de documentation. C'était notre première sortie publique en tant que collectif aujourd'hui, quoi. Ok, d'accord. Ah, c'était votre première sortie, là ? Ouais. Ok. Et il y a un site ou quelque chose pour retrouver cette doc ? Alors, je saurais pas te dire l'adresse, mais on a un blog Mediapart sur le site de Mediapart, du collectif syndical contre l'aéroport. Après, je saurais plus te dire l'adresse exacte, mais ça se trouve... en cherchant sur des moteurs de recherche. D'accord, avec de la doc écrite et des il y a le 4 pages du coup qu'on a produit déjà, le tract pour le 1er mai. Là, le prochain projet, c'est de travailler sur un tract à destination des travailleurs du bâtiment. qui serait amené à construire l'aéroport si jamais le projet devait se faire, et qui serait traduit notamment en turc, en polonais, etc., parce qu'il y a beaucoup de travailleurs détachés aussi, pour expliquer à la fois pourquoi il ne faut pas construire cet aéroport, mais aussi quels sont les droits, notamment le droit de retrait, s'il devait essayer des travaux sous surveillance policière ou dans un risque de, où il serait en danger, quoi. Voilà. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es à la manif du 1er mai à Nantes aujourd'hui ? Moi d'abord, en tant que militant CGT, je suis tous les ans, depuis des décennies, à la manif du 1er mai. Mais bon, ça, plus spécifiquement, je pense que tu voulais parler du cortège du collectif syndical contre l'aéroport. La raison de notre présence ici, elle est, c'est une raison parce qu'effectivement, on a voulu, dans ce cortège, affirmer la nécessité, selon aussi la tradition de Loire-Atlantique, de renouer avec cette solidarité entre les luttes paysannes et les luttes ouvrières qui a pu exister. Donc pour nous, Notre-Dame-des-Landes, c'est quelque chose qui est à la croisée d'une potentielle solidarité, parce que en tant que syndicaliste à la CGT, on a tout à fait conscience que le transfert de l'aéroport va d'une part être une catastrophe au niveau de l'emploi par rapport aux salariés de Nantes-Atlantique. Simplement, prendre un exemple tout simple, c'est que le nouvel aéroport, il est prévu qu'il soit extrêmement automatisé, donc beaucoup de diminution d'emplois. Et d'autre part, on n'est pas non plus naïf, on sait que les promesses de maintien de l'emploi à Nantes-Atlantique sont extrêmement fumeuses et qu'il pourrait y avoir une catastrophe industrielle à la suite du transfert de l'aéroport. Bon, ça c'est un premier point. Et d'autre part, pour les salariés qui seront transférés avec cette délocalisation, c'est pas non plus une bonne chose pour eux, pour leur vie quotidienne. Et enfin, c'est aussi accentuer le déséquilibre entre les bassins d'emploi de Sud-Loire et de Nord-Loire. Donc toutes ces raisons font que on est opposé à cet aéroport et qu'on a réussi aussi au sein de la CGT à gagner ce débat d'idées, puisque la CGT au niveau départemental a pris position pour le maintien de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des liens qui existent entre les gens qui vivent sur la zone et les syndicats de Nantes ? Est-ce que par exemple vous allez là-bas des fois ? Est-ce qu'eux viennent vous rejoindre dans les luttes ? Alors notre cortège, notre collectif syndical, il est en dialogue permanent avec des habitants de la ZAD. Et on a régulièrement des initiatives de plus en plus avec eux. Ce week-end par exemple, samedi et dimanche, la manifestation a été préparée sur la ZAD à Bellevue, mais aussi à la bibliothèque qui est là-bas. On a préparé les banderoles, les drapeaux, on a aussi débattu avec eux. On a eu hier soir un atelier de lecture où il y avait pas loin de 80 personnes, un atelier de lecture de textes sur le syndicalisme ouvrier et paysan. Donc c'était un moment de débat assez fort entre des paysans qui ne sont pas tous habitants de la ZAD, des habitants de la ZAD et des syndicalistes qui se sont retrouvés dans ce débat. Bon, ça c'est une chose, mais depuis le début du collectif, on est en dialogue permanent avec des habitants de la ZAD. Et autant notre collectif est d'abord un collectif de syndicalistes, autant nous avons toujours voulu maintenir ce lien parce que notre collectif n'a de sens qu'intégrer dans le mouvement global contre l'aéroport. copains regardent les rues, les flicards et les roussins montrent leur gueule pourrie. Le brut est assassin. Racaille, par ça serais-je abîmé. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Copain voit malgré la rousse les bourgeois gras et pansus. Les richards ont eu la frousse dès qu'ils nous ont aperçus. Vipère, trembler devant l'opprimé. Un 1er mai sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Copain, car à la faconde des grands ténors endormeurs, la haine seule est féconde, la haine des affameurs. Récolte, bourgeois, ce que tu as semé. Un 1er mai sans révolte, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans révolte, ce n'est pas un 1er mai. Copain, pense à la vengeance quand nous serons les plus forts. Nous détruirons cette engeance au pied de ces coffres forts. Charogne, quand nous t'aurons supprimé, nous fêterons sans vergogne, bourgeois, notre 1er mai. Nous fêterons sans vergogne, bourgeois, notre 1er mai. Moi, je continue sur le 1er mai. Parce qu'en fait, la préfecture de police ne cesse de communiquer sur les flics blessés par des cocktails Molotov. Et c'est vrai, moi j'ai entendu aux infos, la manif du 1er mai à Paris, il y a un flic grièvement blessé. Et en fait, apparemment, ce serait plutôt une grenade de désencerclement qui a pété dans les doigts de la flic. Donc voilà, et c'est à noter que le phénomène semble arriver assez souvent. Le 9 avril, à Rennes, c'est un membre des CRS qui a vu sa main bien amochée par une grenade du même type. Allez, tranquille les gars, c'est non létal. Ça peut juste vous arracher les mains. Puis on l'avait bien dit que c'est dangereux. Ben oui, mais ils veulent pas nous croire. Ça fait un peu penser à... En 2012, pendant les expulsions sur la ZAD, où pendant tout un moment, les médias en fait ont répété en boucle, notamment France Info, mais d'autres, répétant en boucle qu'il y a un flic qui avait été gravement blessé quand ils étaient en train d'expulser les cabanes dans la forêt. Mmh. Et en fait, ce crétin de flic qui avait été gravement blessé, il avait coupé sa propre corde en voulant faire tomber une plateforme d'une des cabanes. Ça rappelle un peu ce genre de truc. Du coup, ils nous ont saoulés pendant des heures et des heures avec ce flic blessé. Et pour redire, ce flic, c'était un flic du Grimpe de Chambéry, du coup, d'une section de gendarmerie qui est spécialisée dans la grimpe et dans ce genre de trucs. Il a coupé sa corde. mais continuez. On ne va pas vous donner de conseils. Et ça faisait aussi penser à un autre truc. C'est je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont entendu cette histoire de poulet grillé. c'est un flic qui a pris un cocktail Molotov pendant la manif du 1er mai à Paris, à savoir aussi que les flics n'étaient pas avares de munitions ce jour-là et n'ont pas hésité aussi à utiliser les armes sur les manifestants, notamment pour séparer le cortège que la préfecture et les dirigeants trouvaient indésirable du reste du cortège. Et du coup, ce flic a pris un cocktail Molotov et la CGT Publicis. Donc Publicis, c'est une grosse boîte de pub et de com. Peut-être on en reparlera prochainement. Mais en tout cas, la CGT, enfin quelqu'un ou quelques-uns de la CGT Publicis ont publié sur Twitter un tweet qui disait, qui s'appelait Poulet grillé, et qui disait qu'on avait plus parlé aux infos du poulet grillé, du coup de ce poulet qui avait, enfin de ce flic qui avait mangé un cocktail Molotov dans sa gueule, que de la manif en elle-même et de la mobilisation et de pourquoi en fait il y avait beaucoup de monde à cette mobilisation et de ce qui s'était passé et aussi des violences policières. Et du coup, ils sont en train de chercher qui a publié ce tweet, ce message sur Twitter, et de vouloir emmerder en fait la personne ou les personnes qui ont publié ça. Et si on en parle, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont, enfin en tout cas que moi je trouve étonnantes dans ce truc-là. Ce que je trouve étonnant, c'est que notamment Publicis, qui est la boîte dont fait partie de ce syndicat, la boîte où il y a ce syndicat, se réserve le droit de porter plainte. Donc nous, on voudrait rappeler Publicis que juridiquement, ils sont pas... ils peuvent pas en fait porter plainte pour ça, hein. S'il y a des gens qui peuvent porter plainte, c'est le flic en question ou éventuellement le ministère de l'Intérieur ou j'en sais rien, mais en fait Publicis peut pas porter plainte contre les propos d'un syndicat qui fait partie de sa boîte, quoi. Ils peuvent demander à Twitter ils peuvent demander à Twitter de quel compte ça, il s'agit, mais ils savent de quel compte il s'agit. En fait, il faudrait qu'ils arrivent, comme c'est un compte avec des mots de passe partagés, il faudrait qu'ils arrivent à savoir qui à publier, et après ils peuvent se retourner contre la personne morale qui représente, contre la CGT Publicis, quoi. Et l'autre truc plus étonnant, c'est que du coup, je sais pas si c'est étonnant en tout cas, mais la CGT en fait a condamné, la direction de la CGT condamne ce genre de propos. Alors la CGT Publicis s'est un peu rattrapée en disant qu'à ce moment-là, il savait pas que le flic était gravement blessé, qu'il avait été vraiment brûlé. Qu'effectivement, les flics ont détenu, notamment ceux qui ont détenu anti-émeute, ont détenu inifugés. Ils se rattrapent en disant, au moment où on a posté, on ne savait pas. En tout cas, personne ne va relever le propos qui tienne, qui dit qu'on note ce flic qui a été blessé, mais on ne va pas noter toutes les violences policières qui ont eu lieu sur cette manif et qui sont nombreuses. Et j'encourage les auditeurs et auditrices à aller se renseigner un peu sur les violences policières qu'il y a eu pendant cette manif. Après, pour se déclarer violenté, il faut aller dans un commissariat. C'est plus facile pour un policier de déclarer violenté dans le cadre d'une manifestation, alors qu'aller soi-même, ça veut dire aller avec des gens, un avocat, accepter... Ouais, vas dans la gueule du loup, quoi. C'est un peu ça, et on peut te refuser le droit de porter plainte. Ouais. C'est aussi rappeler, effectivement, que... le policier est un fonctionnaire et dans ce cadre-là, effectivement, il est au boulot, quoi. Ouais, et puis qu'il y a tout un travail de la police et de la gendarmerie pour recenser les blessés dans leur rang et pour faire leur propagande anti-manifestation, quoi. Et en tout cas, du coup, la CGT condamne, par la voix de Martinez, condamne ce tweet, qui est somme toute, c'est quand même pas très grave. Enfin, si la CGT trouve plus grave de parler de poulet grillé que le nombre de blessés, il y a plus de 170 blessés qui ont été recensés par les médics à Paris, et on sait que les médics ne voient pas tous les blessés, en fait. Des manifs, du coup, on peut imaginer que c'est au moins le double, voire plus, parce qu'il y avait énormément de manifestants à Paris. Et je voulais aussi dire que c'est pas la première condamnation, en fait, de Martinez dernièrement. Et dernièrement, Martinez, il a aussi condamné une affiche de la CGT Infocom. La CGT Infocom, si vous vous rappelez, c'est la CGT qui avait fait... c'est une branche de la CGT qui avait fait une affiche pendant la loi travail avec une matraque ensanglantée, des traces de sang par terre et qui parlait de violence policière. Et là, en fait, ils ont fait une nouvelle affiche qui disait ni peste ni choléra et qui incitait à l'abstention. Et du coup, Martinez a condamné cette affiche puisque lui, plutôt, appelle à voter Macron. Ce qui pour je pense c'est un peu historique, enfin je sais pas si c'est historique d'ailleurs, je crois qu'on s'étonne plus de rien de la part de genre de syndicat, même si on peut je sais pas, même si on peut être content que la CGT Infocom fasse ce genre d'affiche, que la CGT AGO fasse des cortèges anti-aéroports ou quoi, en tout cas les directions syndicales elles restent telles qu'elles sont, et du coup, Martinez, effectivement, condamne l'affiche qui appelle à voter ni Macron, ni Le Pen, alors que c'est peut-être un des seuls messages syndical qui a du sens ces derniers temps. Enfin, en tout cas, dont moi, je trouve qu'il ait du sens ces derniers temps. Donc voilà, c'était un peu pour parler de ça et pour dire que nous, du coup, on se pose en soutien de la CGT Publicis. On ne sait pas ce qu'ils font d'habitude, hein, mais... Peut-être sur d'autres trucs on serait pas en soutien, mais en tout cas pour ce tweet, parce que le fond de ce tweet, c'est pas cette histoire de poulet grillé et de, enfin, je veux dire, les journaux ils ont parlé d'un flic brûlé, parlé d'un poulet grillé, c'est pas, bon, on voit bien que c'est exactement la même chose. Et du coup voilà, on tenait à dire qu'on soutient ce tweet. Et qu'on trouve ça assez dégueulasse que le reste de la CGT, en tout cas la direction de la CGT, lâche ses syndicalistes quand il s'agit de parler de violences policières, puisque dans le fond, en fait, ce qui dérange à ce moment-là, c'est bien de parler des violences policières et pas d'utiliser le terme poulet grillé. Bah, ils ont aussi des collègues policiers syndiqués. Hein. Mmh. Voilà, il y a des corps, on peut questionner aussi qui tu syndiques et qui tu défends, mais... On peut parler de la pénitentiaire aussi pour d'autres comme FO par exemple, où ça pose... qu'est-ce que tu défends, quoi, aussi. C'est clair. D'ailleurs, on tient à saluer ce RG qui était là le 1er mai à Nantes et qui était dans la tente de FO et dont on sait maintenant, dont on a la quasi-certitude qu'il s'agit de son syndicat. Bon, nous te saluons, RG, mais le 1er mai, en fait, quand t'es à nous surveiller, t'es pas censé être avec ton syndic. Tu fais ton travail et tu fermes ta gueule. Est-ce qu'on fait une petite pause? Ouais. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. Woo! Moi, je voudrais revenir sur l'affaire Traoré. Donc, en juillet dernier, c'est Bagui, qui est le dernier à avoir vu son petit frère Adama vivant, avant qu'il ne meure dans des circonstances toujours pas élucidées, à la suite d'une arrestation policière à Beaumont-sur-Oise. Donc, 4 mois se sont écoulés depuis que Bagui Traoré a été condamné à 8 mois de prison ferme pour injures et violences contre des policiers municipaux. Et début mars, Bagui a été mis en examen pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est soupçonné d'être impliqué dans les tirs d'armes à feu lors des émeutes qui ont suivi la mort d'Adama. Donc un acharnement judiciaire dénoncé par la famille Traoré et par Bagui, qui a fait plusieurs semaines de grève de la faim. Donc, le premier procès avait duré 11 heures, et là, cette audience en appel est menée en 2 heures. Le président confronte systématiquement les policiers à la parole de Bagui, donc lui dit « je conteste les faits, si je les avais insultés, je l'aurais dit ». Bon, il répète ça sans arrêt. On lui reproche d'avoir outragé et violenté des agents de police municipale en novembre dernier lors d'un conseil municipal auquel la famille Traoré n'avait pas pu assister alors qu'il voulait intervenir. À la barre, comme lors de la première instance, les témoignages des policiers se dégonflent complètement. Par exemple, le président de la cour d'appel demande au chef de la police municipale « Vous êtes sûr que c'est Bagui qui vous a insulté ?» Et la réponse, bah, sur le moment, non, mais après concertation avec mes collègues, oui. Voilà. Et la policière qui dit avoir reçu un coup de poing, elle a dit, bah, je ne l'ai pas vu, c'est mon collègue qui m'a dit que c'était lui. Voilà. Donc, comme en première instance, l'avocat Yacine Bouzrou dénonce les contre-vérités sur le procès verbal des policiers et une enquête bâclée. Donc l'avocat général demande, lui, le maintien de la peine de 8 mois ferme. Et en plus, Bagui et son petit frère Youssouf font appel des dommages et intérêts exorbitants obtenus par les policiers en première instance. Donc plus de 10 200 euros pour le premier. 10 200. Et 3 400 pour le deuxième. Non mais franchement... le président demande à Youssouf, vous avez un travail? Bah, j'étais chauffeur de bus, mais je l'ai perdu à cause de la détention provisoire. Donc, je suis au chômage, je n'ai pas les moyens de payer. À la sortie de l'audience, donc Assa Traoré, la grande sœur d'Adama et de Bagui, annonce le dépôt d'une nouvelle plainte pour outrage par un policier municipal contre Youssef Traoré. Bah évidemment, avec des indemnités à 10 000 ou 3 000 euros, ça vaut le coup. Donc, elle dit qu'une guerre nous est déclarée par la justice et la police. Mais nous sommes des soldats, et les soldats se relèvent toujours. Donc, voilà, la décision de la cour d'appel a été mise en délibéré au 6 juin. Affaire à suivre, mais putain, c'est lourd. Peut-être on peut rappeler dans les conneries qu'ont raconté les flics sur cette histoire de conseil municipal. Il y a une flic qui a été blessée avec du gaz lacrymogène. En fait, elle s'est fait gazer, soit, je ne sais plus trop, mais soit elle s'est gazée elle-même, soit c'est son collègue. Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est une des flics blessées. Et un autre des flics blessés, il s'est fait croquer par son clébard. Oui. Et ça, ce qui ne l'empêche pas de porter plainte contre la famille Traoré pour s'être fait croquer par son chien. Mais écoute, il y a toujours des indemnités intéressantes. Bah, c'est clair que ça coûte 10 000 balles. On réitère notre appel aux flics. Hein. Mettez-vous en arrêt maladie. Mettez-vous en arrêt maladie. On passe aux annonces ou bien on fait une pause? On a le temps de passer une virgule? Une virgule. There's a war going on outside. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Je suis dans un mélange d'appréhension et d'excitation. C'est très bizarre mais c'est normal. Quelque chose se prépare, la mutation moi s'amorce. J'attends la suite des événements avec impatience. J'ai connu des ratés mais pas cette fois non. Là c'est la bonne, il est l'heure et je frémis. La voix s'est dégagée, j'ai pris le large. Je suis hors de mon corps, ça y est. Je suis enfin ailleurs, quelque part entre le moi et les étoiles. Au plus profond de l'intérieur, je prends de la hauteur, il est tard. Je suis au milieu de nulle part mais j'annonce que quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Je le sens, je le sais. J'attends, je me tais, quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Ça se charge, ça se gonfle, c'est dans l'air. Je ne peux rien y faire, j'écoute, c'est en route. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare, personne ne peut le nier. Je lance ce troisième album dans un contexte encore plus merdique que le précédent. Non, vraiment rien n'a changé, monsieur le président. Et c'était prévisible, c'était même clair, limpide et lisible. Deux, trois promesses foireuses, histoire d'être éligible. Et comme d'habitude, après on passe aux choses sérieuses. On passe à la casse, et c'est les mêmes qui passent à la caisse. Avec en fond de trame une crise montée de toutes pièces. C'est que c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Ça ne fait que commencer, il y en a encore plein dans les tiroirs. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Je le sens, je le sais. Le vent se lève, j'attends, je me tais. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Ça se charge, ça se gonfle, c'est dans l'air. Je ne peux rien y faire, j'écoute, c'est en haut. Mais qu'est-ce que je raconte? Je dis ça, je dis rien, moi je suis qu'un rappeur. Et là je ne rappe même plus, te rends compte? Allez, je me retourne à mes pénates peinards, va. Je ferme ma gueule, je vais retrouver ma cave. Mon shit, mes beats, mon écran plasma. Crédit, mes films porno et mon McDo. Bien raccord, bien conforme à ma CSP. À ma niche, à ma place, comme tu m'aimes. Ouais, continue de me prendre pour un teubé. Jusqu'à la race, toi le grand décideur. Toi la bonne conscience anthropophage. Toi qui lève ton verre à la santé de l'année prochaine. Dis-toi bien que quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Je le sens, je le sais. Le vent se lève, j'attends, je me tais. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Ça se charge, ça se gonfle, c'est dans l'air. Je ne peux rien y faire, j'écoute, c'est en route. Quelque chose se prépare. Je le sens, je le sais. Le vent se lève, j'attends, je me tais. Quelque chose se prépare. Ça se charge, ça se gonfle. Vous êtes de retour dans l'émission du magazine Libertaire. C'est l'heure des annonces. Alors la première annonce, ça se passe samedi 6 mai, c'est Food Not Bombs, donc distribuer à manger plutôt que de vendre des bombes, de faire la guerre. Donc il y a un appel à participer au Food Not Bombs à Nantes. Donc il y a une récup de produits frais, de produits donc sur le marché de la Petite Hollande à partir de 13h15, donc samedi 6 mai. Donc le marché de la Petite Hollande, et il y a la cuisine l'après-midi et une distribution le dimanche 7 mai au Square Fleuriot à partir de 12h30, 13h. Autrement, ça va se passer du côté de Saint-Nazaire, c'est samedi 6 mai à partir de 18h, Esplanade des droits de l'homme et des citoyens. Le collectif Les Pieds dans le PAF organise une conférence autour des médias et de leur rapport au pouvoir en général. Voilà. Et la manière de faire l'information qui en résulte aussi. Voilà. Dimanche 7 mai à 14h, ça se passe à B17, c'est la dînette détente. La dînette détente, c'est un temps en non-mixité PD, c'est un rendez-vous public et régulier. On se retrouve tous les premiers et troisièmes dimanches du mois autour d'une tisane et de ce que chacun chacune apporte, et on discute de ce qu'on veut faire ensemble, de ce qu'on veut critiquer dans ce monde. On se lit des textes et on essaye de mettre des idées en commun. On a envie de faire de la visibilité, de se rencontrer en dehors des structures institutionnelles et commerciales et de créer une force PD à Nantes, le tout sur une base anti-autoritaire. Donc on rappelle, c'est à 14h en fait, d'habitude c'est 17h, mais là c'est à 14h dimanche 7 mai à 17h. À 14h, pardon, à B17. Et on en profite pour dire, on en parlera plus la semaine prochaine, mais que le 12 mai, c'est une fête de soutien à la dînette détente à B17 à 18h30. Ouais. Faudra faire gaffe, hein, parce que ça pourrait attirer Marine Le Pen maintenant qu'elle s'est trouvée une âme pour lutter contre l'homophobie. J'imagine que les gens présents sauront la dégager. Moi, j'ai un appel aux blessés par flashball et LBD40 des manifs du 1er mai. Donc, il y a eu à peu près, dans toute la France, 200 000 personnes, à Paris, 60 000 personnes, et beaucoup de violences policières. Donc, l'Assemblée des blessés lance un appel à ces personnes afin de pouvoir rentrer en contact pour qu'elles ne restent pas seules et qu'elles soient soutenues, quel que soit le choix de rester anonyme, de médiatiser la blessure, de porter plainte ou de trouver d'autres moyens de réagir. C'est un réseau qui existe pour aider, pour parler et se soutenir mutuellement. En plus, il est important de préciser que ces armes sont des armes de guerre et qu'il n'y a pas de petites blessures. D'un tir tendu au visage à un hématome à la jambe, il est important de ne pas banaliser ces blessures. Elles doivent être dites. Elles font partie de l'arsenal militaire du maintien de l'ordre et sont un des moyens de la violence policière. Donc il y a un site où on peut trouver des conseils pour les personnes blessées, à l'hôpital ou pour les proches, ou encore si vous voulez porter plainte. Donc pour prendre contact, c'est https://assemblee-des-blessés-tout-attaché.antirep.net. Il y a un téléphone 06 56 82 00 01. Donc voilà, ça c'est l'Assemblée des blessés. Toujours à Saint-Nazaire, c'est le lundi 8 mai 11h, il y a un rassemblement antifasciste, place de l'Amérique latine, voilà. Et du côté de la ZAD, donc lundi, il y a une balade à la découverte d'une prairie à orchidées, donc le rendez-vous est au Tertre lundi 8 mai à 16h. Pour voir une belle prairie épanouie au printemps et pour voir les autres plantes que l'on rencontrera en chemin. Du coup, on a fini. L'émission se termine ce soir et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Ciao. Et déprimez pas trop en attendant. Non, allez la pêche dimanche. Ou il y a moyen d'aller place bouffer à partir de 14h. Pour ceux qui sont à Nantes, j'imagine, il y a d'autres rendez-vous ailleurs et tout. Si vous ne voulez pas aller à la pêche ou à la plage, ne restez pas seul. Et il y a toujours, on répète, si jamais vous êtes coincé, vous vous retrouvez dans un isoloir, il y a toujours moyen de se barrer en fait. Hein. C'est pas grave, vous pouvez partir avant de mettre le bulletin dans l'urne. Un carton rouge. N'hésitez pas.